Comment vous calculez vos honoraires, comment vous vendez d'une certaine manière certaines prestations ou non, et ça peut d'une certaine manière renvoyer à la question aussi de la précarité. Voilà, comment vous percevez la manière dont vous bâtissez ces modèles, ou ces, si je puis dire, ou en tout cas ces manières de calculer ce que vous allez faire par la suite. Je sais que ça va faire un lien avec le truc d'avant sur la complémentarité et le fait de collaborer avec la maîtrise d'œuvre. Nous, il y a une chose qu'on revendique depuis le début et qu'on se bat un peu sur pas mal de projets, sur la question de la rémunération pourcentage du montant des travaux. Donc on refuse ça et on se retrouve du coup là dans des situations qui sont de plus en plus fréquentes, mais qui étaient rares au départ, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup inventé notre cadre de travail, du coup, accompagné des communes pour écrire des commandes, des cahiers des charges, accompagné aussi pour trouver des subventions, et petit à petit, aujourd'hui, même depuis 6 ans, je pense, on est venu nous chercher pour des commandes directes, du coup, on était toujours en dessous de seuil du marché public, ou alors de juste devoir faire quelques devis, voilà. Et aujourd'hui, on vient nous chercher pour répondre à des marchés d'appels d'offres sur des communes, des fois de 350 habitants, mais il se trouve des montants de travaux qui sont supérieurs. Et là, récemment, dans le Vercors, mais aussi en Bretagne, beaucoup, on était avec des maîtres d'œuvre où nous, on barre les tableaux, où on nous demande de dire... comment on va être rémunéré sur les phases de maîtrise d'œuvre, et on écrit un texte qui explique pourquoi on revendique ça, sur la question de que pour défendre le fait de cahier des charges qu'on reçoit qui parle de frugalité dans tous les paragraphes, de dire que pour répondre à ça, il va falloir effectivement trouver des stratégies pour des aménagements frugaux, que ça c'est faire des économies, ça demande aussi du temps sur toute la phase d'études en amont. Et ce temps qui est nécessaire pour cette inventivité de comment est-ce que le projet, à la fin, il va nécessiter une économie dans les matériaux, dans la mobilisation peut-être des savoir-faire locaux, des à la fois humains et matériaux. Donc pour nous, on défend le fait qu'il faut privilégier un temps long sur le terrain. Voilà, et d'éviter ainsi de recourir à tout un panel de solutions préétablies. Donc des fois ça passe, et des fois ça passe pas. Et puis au final, c'est aussi des discussions qui sont intéressantes. Là, à Grèce, on était avec ETC, et Ben qui était à l'oral, on a été très transparent avec la maîtrise d'ouvrage, et on leur a aussi directement posé la question de, en fait, le projet il va se faire avec vous, donc c'est pas que vous allez nous choisir, nous, mais nous, on a besoin aussi de savoir, vous, comment vous allez vous engager. Est-ce que les services techniques, ils ont les moyens de faire une partie du projet? Parce que toutes les références qu'on vous montre, c'est parce que c'était des communes où il y a eu 80% de la réalisation qui a été faite en régie, où il y a pu y avoir une mobilisation habitante, où on a pu... Mais ça ne veut pas se refaire. Effectivement, le coût du projet il est minime, mais parce qu'il y a eu tout ça, et que ça, c'est pas quantifiable et pas... On ne peut pas savoir le coût. Voilà. Donc ça, c'est un... Moi, ça me fait penser, pour lier les deux thématiques, je pense que notre singularité TC est liée à notre précarité. Parce que donc, après 13 ans, on est toujours dans une précarité. Singularité parce que, en fait, nous, on a tous, donc à 13 ans, fait un ou deux ans d'agence, et on a décidé d'arrêter. Pourquoi ? Quête de sens dans le travail, pourquoi on travaille, l'envie d'être utile très rapidement, donc en étant jeune, être utile, l'envie de se faire rêver et de faire rêver les gens, et l'envie aussi, ce petit côté caméléon, donc l'envie d'aller vite découvrir tous ces mondes, de les comprendre, d'aller discuter, rencontrer, pourquoi, pour pouvoir, pas pour pouvoir critiquer, pas pour pouvoir dire ça c'est mal, ça c'est bien, mais surtout pour pouvoir choisir. Pour pouvoir choisir avec qui on veut travailler, avec qui on ne veut pas travailler, et donc nous construire. Et donc après des années et des années, c'est je pense notre singularité, et je suis assez fier de ça, on le porte encore aujourd'hui, c'est un peu cet engagement politique, on va dire, même si c'est limite par rapport à plein d'autres associations sur plein d'autres sujets, mais on vit ça un peu comme un engagement qu'on porte depuis le début sur le choix de projet, sur la manière de se payer, sur avec qui on ne veut pas travailler, qui arrive avec des valises pleines d'argent. Et ça, ça a mis du temps, ça a beaucoup de discussions et des choix durs. Et donc, en fait, ce côté un peu ETC, ce qu'on voit sur nos engagements, je pense, qui j'espère, respire un peu sur la manière dont on communique, bah, ça fait une belle aventure. Et donc, en fait, quand les gens arrivent dans ETC, c'est une sorte d'histoire d'amour qui commence. Donc, on se lance à complètement fou d'amour pour cette chose. On réfléchit pas, on est heureux, et puis petit à petit on commence à se poser des questions, ok, on fait des compromis, on fait des choix, et puis des fois en fait il y a des déçus, et des déçus qui s'en vont, et c'est pas grave, qui veulent une autre relation d'amour, il n'y a pas de problème, super. Et donc ça c'est important d'en parler, et je pense que la précarité en fait partie, le fait d'être déçu, parce que ces beaux choix d'engagement fort politique en fait, ça implique une précarité extrême, effectivement, dont on commence à en parler, et on en parle que très peu aussi. Par exemple, nous, on en parlait très peu dans nos conférences. Jusqu'à il y a un ou deux ans, on a décidé d'en parler, d'avoir un volet là-dessus. J'ai fait une conférence à Bordeaux le mois dernier, j'ai parlé de ça pendant une heure et demie. L'ambiance était à zéro. Et je me suis dit, moi... Et en fait, ça m'a vachement plu, parce qu'à la fin, les gens sont venus me voir et m'ont dit, bon, on t'avait invité quand même pour remonter... pour être content, pour voilà, on vit dans un monde chouette et tout, t'as plombé l'ambiance, et du coup ça m'a vraiment touché, et j'ai dit non mais vous imaginez pas la difficulté en fait de nos vies, quoi, de ce qu'on fait, et donc c'est vachement bien d'en parler, et nous on est dans une précarité, cette précarité fait qu'on a perdu des gens, qu'on n'a pas de visibilité sur le moyen et long terme, qu'on a une instabilité chronique dans notre structure depuis le début, donc c'est un avion avec des... voilà, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais c'est exactement pareil, donc c'est très très difficile. Mais en même temps, cette instabilité a permis d'avoir des nouvelles personnes. Et en fait, donc, ces nouvelles personnes, elles sont arrivées, elles sont montées dans l'avion, elles sont tombées amoureuses. C'est bien, mais c'est pas bien, mais c'est bien en même temps. Donc on se pose vraiment des questions, et là on est en train effectivement de parler de comment on se vend, comment se vendre mieux. Pour faire ça, on a besoin de comprendre comment les autres se vendent aussi. Donc on continue de faire un travail là-dessus, et notamment, pour terminer, pour compléter ce que disait Edith, on continue de faire ce travail de Superville. Pour nous, c'est hyper important. Il y a eu un passage de relais avec Bellastock une année, avec les bivouacs aussi qui sont hyper impliqués. D'autres, je ne vais pas tous les citer, mais, et donc il y en a un dans deux semaines à Paris, où on se retrouve en petit groupe, pour réfléchir encore une fois comment on fait pour avancer, comment on s'entraide, parce que là, la question, c'est plutôt de l'entraide, et l'entraide à plusieurs niveaux, administrative, au niveau des projets, pour pouvoir... Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au premier Superville, on voulait faire cette fédération, et à la fin, on s'est dit, mais en fait, c'est nul, on va faire ça. On va juste s'entraider et communiquer et dire que tout ce qu'on fait tous, c'est génial, et le crier haut et fort, et aller voir tous les gens au pouvoir pour leur dire, bon, regardez, regardez, regardez. Et je pense que c'est encore le cas, c'est super. Là, c'est juste comment on fait pour trouver des outils à se partager. C'est pas créer une fédération, mais plutôt des outils à se partager facilement pour que nous, on puisse les utiliser, et surtout pour que des jeunes qui arrivent sur le marché, qui nous envoient des mails une fois par semaine, est-ce qu'on peut avoir une interview pour savoir main. Un peu ce qu'a fait la PT7, qui est super, d'avoir des plateformes, en fait, je sais pas, dans un où en fait les gens peuvent aller chercher des informations directement. Moi, c'était pour jouer le rôle voilà, de faire une réponse plus chiffrée, peut-être. C'était la question. Donc nous, il y a eu, comme je l'ai dit, dans la transformation, il y a eu cette logique à un moment où on n'avait pas trop de regard sur les comptes et puis on ne se rendait pas trop compte qu'on allait couler. Du coup, faire une croix sur tout ce qui avait été construit depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a 17 ans, je crois, déjà. Et donc dans le travail qui était mené, il y a eu le fameux Tojo, qui est arrivé dans la manière de facturer, de bien définir à quel taux, à combien on facturait la journée de travail. Et ça a été un choc parce qu'on était plutôt entre 200 et 350 euros. Puis en fait, quand on fait un vrai calcul, on n'est pas, on n'est pas des managers. Donc on s'est entouré de gens qui savaient nous aider là-dessus. Et puis après, on a aussi une personne qui arrive en administration en ce moment-là, dans la transformation, qui ne s'attendait pas du tout à devoir porter tout ça, c'était assez dur. Elle dit, mais les gars, vous êtes à 300 euros au jour, vos concurrents, parce qu'en fait, leur emploi, c'est devenu un marché, donc on a des concurrents, plus ou moins vertueux. Et ils ont dit, ils sont à 700, 800 euros au jour, ça ne vous pose pas la question. Soit, non, mais nous, on ne va pas faire ça. Un peu le côté militant. Mais en fait, derrière, chez nous, derrière, il n'y a pas grand-chose, à part ce côté, c'est trop cher. Et en fait, petit à petit, on a compris les logiques de marché. On s'est dit, en fait, si on est trop bas, on ne fait pas confiance. On dit, mais vous allez, ils vont pas bien bosser, quoi. Déjà, on était, tu vas sur notre site, il y a des festivals. Alors, les maîtres d'ouvrage qui débarquent pour un truc très technique, on veut un diagnostic. Ah non, on a dû se tromper de site, alors ils sont où les objets, les stocks. Voilà, donc on était. Voilà, et puis. Mais un peu dans, comme. De manière différente que TC, c'est qu'au final, cette manière de s'imposer un taux jour, alors il varie, hein, selon l'étude, c'est plus élevé que quand on est sur chantier, alors pas parce que c'est plus simple, au contraire, mais pour des questions de budget. Mais nous, l'idée, c'était justement de sortir de la précarité le plus vite possible, parce qu'il y avait une bande de 10 personnes qui en avaient chié pendant pas mal d'années. En fait, il faut voir que le festival et ce genre de mission, c'est pas de 9h à 18h, quoi. C'est des trucs où il faut être là le jeudi soir, accueillir plein de gens qui veulent faire le festival, qui font des réunions, ils le font avec toi. Ils sont bénévoles, donc il faut respecter leur travail, il faut être là avec eux, parce que toi, tu commences à être salarié sur le sujet. Et puis le week-end, il faut aller parler avec ou faire un atelier avec les habitants, parce que les habitants, la semaine, ils travaillent, donc tu vas travailler le week-end. Et en fait, c'est un truc, ça peut être du 7 jours sur 7. Donc il y a une volonté à un moment de dire, bon, on va quand même essayer de sortir de cette précarité, tout en gardant une sorte d'éthique. Et donc ça fait vraiment depuis la transformation en cycle, où il y a beaucoup de discussions en interne, à plein de niveaux, sur la gouvernance. Comment on a une direction, parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin. On ne peut plus éparpiller la gouvernance vu ce qu'on gère, mais en même temps avoir une certaine éthique dans la manière de bosser. Comment l'équipe garde une voix dans ce qui se passe. Voilà. Et puis surtout maîtriser l'écart des salaires. Et donc nous aujourd'hui, on est à le plus bas salaire, je crois qu'on arrive à le monter à 1800 euros. Après, nous on est à Paris. Sachant, net. Donc, ce qui est, je crois, pas loin de ce que font les agences d'archi sur les plus bas salaires, voire au-dessus. Non, ça n'a pas l'air plus sale. Bon, à Paris, honnêtement, je connais des jeunes sortis de diplôme, ils sont pas à 2000, quoi. Et en sachant que les loyers sont plutôt à 1000 euros. Bon. Et puis, par contre, le plus haut salaire est à 2200 euros. Puis, en fait, il y a cette question où il y avait des gens qui sont partis. Parce qu'il ne peut plus, parce qu'on commence à avoir des enfants, parce que en fait, si un enfant, c'est pas juste, il mange, c'est, il faut un appart. Donc un appart avec une pièce en plus à Paris, c'est... Voilà, en fait, c'est tout des logiques. Nous, on a augmenté ses salaires. Bon là, il stagne bien. Mais voilà, et ce qui permet aussi de recruter d'autres profils, d'essayer de devenir plus pluridisciplinaire. Parce qu'en montant les salaires, on arrive à embaucher des ingénieurs. Parce que ce qui nous différencie d'eux, quand même, c'est qu'eux, ils n'acceptent pas des salaires trop bas, les ingénieurs, hein, sans vouloir trop stigmatiser une formation. Et dans le remploi, c'est important d'avoir des ingénieurs et des architectes ingénieurs. Voilà. Et également aussi des profils d'assistants administratifs RH. C'est des postes où, si on veut que la boîte tourne bien, ça doit exister. Par contre, la version alternative de ça n'existe pas trop. Et la volonté d'être précarisé... Alors ils acceptent, enfin il y a beaucoup de gens qui acceptent de baisser leur salaire pour bosser chez nous. Mais voilà, c'est pour donner un peu des fourchettes de trucs. Mais je pense que parmi les structures qui font comme nous, on est à peu près les plus stables économiquement. Après en off, dans la direction, c'est hyper compliqué. C'est les mêmes vagues, ou à quelques centaines d'euros au-dessus peut-être, mais c'est des vagues quand même. Merci. Pour boucler la boucle, parce que du coup... Enfin, je pense qu'on est un peu comme Bellastock, même si on n'a pas démarré par un collectif. Mais du coup, moi aujourd'hui, j'ai 7 CDI. Et du coup, on n'est pas précaire. Et je pense que ça reboucle avec aussi... Parce que du coup, on est tous réunis aussi par un truc de des prises d'œuvre. Moi, je suis souvent aussi édite quand j'interviens et tout. Et sur, en tout cas, une coprise d'œuvre et une ouverture du processus de conception. Et ça, aujourd'hui, y a plein d'étiquettes qu'on nous met, comme AMU... concertation, co-concertation, enfin on voit de tout dans les cahiers des charges. Bon, moi après j'ai fait le choix d'en jouer et du coup de rentrer là-dedans et après de déformer la commande et de former aussi les acteurs là-dessus. Et c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui et de financer aussi ma thèse. Donc c'est cool. Mais du coup, il y a un marché de la participation citoyenne, consultation, concertation, AMU, urbanisme transitoire, urbanisme tactique, immersion, diagnostic sensible, bref. Il y a un marché. Et en fait, alors on parlait des architectes parce que je suis formée à l'architecture, mais les concepteurs, en tout cas les architectes, il y a un espèce de tabou sur, à l'école d'archi et dans nos formations et dans nos métiers sur l'économie d'une structure et sur le marché. Et en gros, si on ne le prend pas, il y a d'autres gens qui sont en train de le prendre, qui ne sont pas des professionnels de la ville, qui sont des gens qui font Sciences Po, des gens qui font des écoles de commerce, des gens qui font de la communication, des gens qui font du marketing urbain et qui accompagnent les élus sur les missions et qui sont nos concurrents. Et du coup, moi, je trouve que c'est important aussi que l'architecte, le paysagiste, le designer, la designeuse, prenne sa place aussi là-dessus, parce que du coup, on est quand même en train de parler de la fabrication des milieux habités, enfin les métiers, voilà, c'est nos métiers, et du coup, je pense que c'est important que, enfin, en tout cas moi, j'ai trouvé important de savoir prendre, c'est comme ça que j'ai pris ma place là-dessus, et qu'aujourd'hui, y a une structure qui vit, et je suis hyper fière, en fait, d'avoir créé des emplois en CDI avec des bonnes conditions de travail. Et je suis pas du tout ma pub, mais non, c'est parce que je... avec une sixième semaine de congé payé, venez bosser pour moi. Non, mais je trouve ça cool. Et aussi, ça répond à la demande des jeunes étudiants, des jeunes diplômés dans les entretiens qui systématiquement posent la question de on fait des heures supplémentaires, on fait des charrettes. Et du coup, moi, je suis hyper admirative en fait du basculement qui est en train de se produire aussi des jeunes générations qui disent nous, on n'a plus envie de faire des charrettes, on a envie d'avoir une vie perso, on a envie de faire la semaine des 4 jours, on a envie d'avoir des heures sup payées, on a envie d'être respecté dans ce qu'on est, dans nos hobbies. On parlait aussi, même si on est passionné, et ça n'enlève rien à leur engagement parce qu'ils sont hyper engagés dans ce qu'ils font, mais ils ont juste envie d'avoir une vie à côté. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et donc, voilà. Je voulais dire ça. Juste en deux mots sur cette notion-là d'alignement des prix. Je pense que nous, on a un peu opéré la même chose, c'est-à-dire quand on répond à ce genre de commande, c'est-à-dire où en fait, en effet, autant s'aligner parce que sinon, autant pas y aller, parce qu'on sait que dans tous les cas, en plus, on va être pris dans une équipe avec tout ce que ça comporte comme complexité, etc. Donc, autant y aller, et je pense que peut-être pour balancer ce truc-là, on se dit que quand on travaille avec des structures qui échappent justement à ces marchés-là, et ben on baisse nos prix. C'est-à-dire qu'on essaye de conserver une sorte de variable sur les projets vraiment qui collent complètement à nos valeurs, et ben on applique des prix qui sont... qui nous permettrait pas en fait à terme de payer nos salaires, et par contre on charge fort quand il s'agit de faire payer des structures qui ont de l'argent. Et puis deuxième point, là on parle de quand on est en collaboration avec des architectes, maîtres d'œuvre, c'est-à-dire comment gagner, mais moi il y a un petit sujet par rapport aux artisans, c'est-à-dire que nous on travaille en conception mais aussi on construit. Et là, je n'ai pas de réponse, mais c'est juste un questionnement sur en fait, comment adapter ses prix quand on est sur de la construction, là où on est en concurrence avec non pas des architectes à 700 euros le jour, mais à des artisans à 30 euros. Et du 30 euros de l'heure. Et du coup, on s'entend. Il y a un vrai sujet, et pour nous, c'est même en termes de positionnement politique vis-à-vis de ces professions-là, on n'a pas répondu, mais c'est un sujet. Moi, je voulais juste rappeler, merci pour ce que tu as dit, c'est génial, parce que quand je dis précarité, nous, c'est exactement pareil. On est à 4-5e, on est tous en CDI, on était 10 à un moment, on avait 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, je dis précarité, c'est des gros mots, mais bon, on est quand même, on respecte les horaires, donc c'est 9h, 17h, on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas le soir. Mais on est à 1003 à 4-5e. Et c'est, en fait, je dis ça, c'est parce que c'est pas suffisant. Et que je dis précarité parce que je pense que ça ne correspond pas à, après des années d'études, de machin, de trucs, de galères, de trucs. C'est pas encore suffisant. Et je pense qu'il ne faut pas. On a des acquis, mais il faut continuer. Et surtout, pourquoi ? Pour être exemplaire. Parce que je pense qu'il faut donner envie aux jeunes. Il y a eu une question hier, ouais, mais bon, ça ne gagne pas d'argent, votre truc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il faut le dire. Donc c'est pour ça que je précise. Parce qu'on peut gagner de l'argent, on peut faire des 4-5e, on peut ne pas travailler le soir, on peut ne pas travailler le week-end. Nous, c'est le cas. Ça a mis 5-6 ans, mais en fait, on y est arrivé, donc c'est possible. Et maintenant, il y a un marché. Et donc, s'il vous plaît, les jeunes, allez-y, c'est possible. Un petit mot de comparaison. Bah, c'est vrai qu'on avait, en collectif, on était précaires, donc on avait, clairement, on ne gagnait pas d'argent personnellement pour nous, mais on avait des métiers, enfin des missions à côté, donc des ateliers pédagogiques, on faisait des images et du dessin pour des agences, donc pendant le temps du collectif. Ensuite, on a accédé au marché public, où là, on a commencé à pouvoir avoir des petites rémunérations, et finalement, on a voulu arrêter le collectif aussi pour cette précarité. Quand on a eu aussi des enfants, on était moins mobile et il fallait qu'on se soutille un petit peu plus. Et finalement, à l'agence, on a deux types de calculs d'honoraires. Donc il y a la maîtrise d'œuvre classique. Nous, on est beaucoup en rénovation, donc ce sont des marchés où il y a toujours un peu un flou au niveau des commandes. Il y a des grosses parties de diagnostic, donc en fait, on arrive à avoir des pourcentages assez raisonnables, assez bien payé, mais encore faut-il accéder à la commande. Donc on fait peu d'appels d'offres qu'on choisit et on rejoint les grilles qui sont données plus ou moins par les ordres d'architectes au montant de pourcentage du montant des travaux. Et puis toutes les missions qui sont liées aux études urbaines, aux démarches participatives, on fait un peu comme vous, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des forfaits. On commence au bout de 15 ans à connaître des prix de journées, de missions, d'ateliers. On sait que ça représente du temps et c'est vrai que dans les oraux, quand on défend une proposition, on leur dit exactement le discours que vous avez tous, c'est-à-dire on ne va pas être des prestataires comme ça, on vient, on repart, on va vous demander un peu d'être mobilisé, donc on est plus cher, donc, et des fois on perd parce que, à cause de ça, et puis des fois c'est compris. Donc nous, l'équilibre entre les deux se fait assez naturellement et petit à petit on se rend compte qu'on fait glisser les méthodes de l'architecte en agence sur les aménagements de transition, parce que c'est des mini-maîtrises d'œuvre. Et comme on associe des artisans, parce qu'on est en dessous des seuils, on peut choisir les artisans, eh bien, on fait attention aussi à eux pour qu'ils aient des prix convenables et qu'on puisse vraiment travailler avec eux le plus en amont possible, quoi. Donc, j'observe quand même le glissement un peu des méthodes. Et du coup, une revalorisation des aménagements de transition, en tout cas dans les prix. Oui, et puis pour aller dans ce sens-là, il y a cette question de valeur qui est plus à mettre en doute. C'est-à-dire que les acteurs ont bien compris que c'est une valeur, si on parle d'aménagement transitoire, temporaire ou autre, notamment pour derrière vendre des lots à des promoteurs. On voit bien que derrière, il y a un peu de soucis, ils sont prêts à mettre quelques euros. Donc il faut bien qu'on ait conscience que aussi tout ça, ça peut se vendre bien plus cher que ça s'est vendu. C'est-à-dire que maintenant, c'est acquis que ça a de la valeur, ce travail-là. Donc il n'y a pas de souci. Et heureusement, il y a des projets bien plus intéressants que juste augmenter la valeur d'un lot. Je reviens à deux autres choses. Il y a des questions d'engagement. Parce que nous, on a quand même très régulièrement des demandes de gens qui veulent bien venir bosser à l'agence parce que c'est super, etc. Mais qui veulent s'engager en tant que salarié à 3 000 euros. Une personne qui veut venir faire partie de la structure et pas associée en portant le poids des responsabilités, des coups de stress, de savoir s'il y a bien l'argent ou pas dans la machine, etc. Ça pose quand même une question. Et je pense qu'il y a un débat là-dessus. Puis le dernier point, c'est, Karine l'a déjà dit un petit peu, mais nous, notre point de bascule qui a fait qu'on avait passé de beaucoup trop d'heures, beaucoup trop de week-ends, etc., à devenir raisonner, etc., c'était les enfants. En fait, parce qu'à un moment, il y a d'autres. Voilà. Donc, nous, on passe beaucoup de temps pour les autres, pas cher. À un moment, où est-ce qu'on va mettre. Il y a peut-être plus intéressant que quelque chose d'autre. Donc, à un moment, il y a une revalorisation du courant aussi. C'est forcément lié à ça, parce qu'on va passer beaucoup moins de temps. Et nous, c'est vrai que ça a calculé des courants, on les a fait comme ça maintenant. Combien on veut de semaines de vacances, combien on veut bosser d'heures dans la semaine, etc., etc. Ça nous permet de calculer le courant. Donc c'est aussi une question qui répond à tout ça vis-à-vis des étudiants, comment je me dégage du temps personnel. Vous n'êtes pas obligé de faire des enfants. Hein. mais voilà, ça fait partie en tout cas de la réflexion, parce que derrière, il y a toujours des gens qui savent profiter de votre temps, ça, il n'y a pas de souci. Thank you.